Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme promis lors de la dernière émission dans laquelle nous avons parlé de la troisième partie du péplum en abordant notamment les années 50 et 60 qui constituent le second âge d'or du péplum et plus précisément des productions américaines sur la période allant de 1951 à 1968, nous allons parler aujourd'hui des productions italiennes s'étalant sur la période allant de 1952 à 1965, ceci sera donc la quatrième partie. Commençons donc tout de suite par parler du péplum traditionnel et de ses premiers triomphes. C'est Riccardo Freda, en maître du cinéma populaire, qui livre le premier son Spartacus en 1952, un de ses chefs-d'œuvre avec le magnifique Massimo Girotti. La même année, Gino Cervi incarne un Néron plus sympathique que d'ordinaire, dirigé par Primo Zeglio, tandis que Leonora Ruffo est la reine de Saba, mise en scène par Pietro Franchisi. L'année suivante est placée sous le signe de la femme avec Friné, courtisane d'Orient, de Mario Bonnard et Théodora, impératrice de Byzance, de Riccardo Freda avec son épouse Gianna Maria Canale dans le rôle-titre. L'année 1954 est marquée par les compositions de Kirk Douglas, né en 1916, qui aura donc 103 ans en décembre 2019, dans Ulysse de Mario Camerini au succès international et auquel rend hommage le film Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore et d'Anthony Quinn dans Attila, fléau de Dieu de Pietro Francisci, l'un des maîtres du péplum. À côté, la débutante Sofia Loren, partenaire d'Alberto Sordi dans le rôle de Cesarino, et Ettore Magni dans le rôle de Marc-Antoine dans le film De nuit avec Cléopâtre de Mario Mattoli, sur un scénario d'Ettore Scola, peine encore à s'imposer. Elle sera aussi Aïda, d'après l'opéra de Giuseppe Verdi, grimé en noir et doublé par la cantatrice Tebaldi, rivale de Maria Callas. Passons maintenant à la vogue. Une vogue est lancée. Les Français Georges Marchal, Mylène de Mongeau, Ludmila Tcherina, Sylvie, Henri Vidal, la grecque Irène Papas font des sauts répétés dans le genre ou des incursions exceptionnelles. En 1955, la rousse américaine Rhonda Fleming s'illustre en Semiramis, photographiée par Gabor Pogani sous la direction de Carlo Ludovico Bragaglia, qui dirigera plus tard Victor Mature et Sandra Milo dans Hannibal en 1959 et Louis Jourdan et Nicole Courcel dans Les Vierges de Rome en 1961. Sous le signe de la croix sortie en 1956, Sous le signe de Rome, sorti en 1958 et terminé par Michelangelo Antonioni, les deux signés Guido Brignone, Aphrodite de Fernando Sercio et Victor Trojanski, sur un scénario co-signé par Damiano Damiani, mettent en vedette les plus belles femmes de l'écran, à savoir, entre autres, Gianna Maria Canale, Anita Ekberg en Zenobie ou encore Belinda Lee. Le film Sous le signe de Rome révèle la danseuse cubaine Chelo Alonso. Elles ont pour partenaires Jack Cernas ou Massimo Girotti. Ce dernier interprète Auguste dans Le Roi Cruel ou Erode il Grande en italien de Victor Trojanski et participe au Judith et Holoferne de Fernando Sercio. La fin des années 50 est marquée cependant par le succès des travaux d'Hercule de Pietro Francisci en 1958, réussite parfaite qui lance le style culturiste. L'américain Steve Reeves demeure à ce jour le meilleur Hercule. Dès lors, ce genre ou sous-genre ressuscité va tendre à éclipser parfois par le nombre le péplum traditionnel. Passons maintenant à la guerre des péplums. En 1959, tandis que Steve Reeves et Chelo Alonso forment le couple le plus hot de l'écran dans La Terreur des Barbares du vétéran Carlo Campoglani, Vittorio Cotafavi, un autre maître du péplum, donne le très beau Les Légions de Cléopâtre avec Linda Cristal que Jean-Louis Borget compare au tableau de Nicolas Poussin et Jacques Stella. D'ailleurs, quand on regarde les tableaux de ces deux peintres, on peut en effet dire que comparer Linda Cristal à ces tableaux est plutôt flatteur. Carlo Campoglani dirige Belinda Lee en Messaline. L'année suivante, c'est l'explosion. L'explosion des femmes, en réalité, ce qui constitue un véritable comble pour un genre réputé machiste. Gianna Maria Canale, dans le parodique La Reine des Amazones de Vittorio Sala, face à Rod Taylor et Dorian Gray, Debra Paget dans La Vallée des Pharaons de Fernando Sercio, Tina Louise dans Sappho de Pietro Francisci, Rona Fleming dans La Révolte des Esclaves de Nunzio Malasoma, Jeanne Valéry dans Salambo, au coup de décor, réalisé par Sergio Grieco et avec Jack Cernas, ex-Paris, Rosanna Podesta, ex-Hélène dans L'Esclave de Rome, de Sergio Greco, à nouveau. Cornel Wilde dans Constantin le Grand, de Lionello De Felice, paraît bien isolé, tiraillé entre Belinda Lee et Christine Kaufmann. Dans le même temps, Massimo Girotti rejoint les Argonautes dans Le Géant de Thessalie, de Riccardo Freda. Un autre vétéran, Carmine Gaillonnet, digne rival de Riccardo Freda ou Alessandro Blasetti, signe Carthage en flammes avec Pierre Brasseur et Daniel Gélin, en réutilisant les décors de Salambo. Le jeune Sergio Leone filme Le Colosse de Rhodes avec Léa Massari et le Canadien Rory Calhoun. John Drew Barrymore, héritier de la dynastie, Serge Gainsbourg, Ricardo Montalban, Ettore Magni, Edmond Purdom, que nous voyons dans Le Fils Prodigue à Hollywood, Fernando Rey, Dario Moreno, Michel Piccoli, les cascadeurs de l'Opéra de Pékin, que nous voyons dans le film Massiste dans l'Enfer de Gengis Khan, de Domenico Paolella, Carlo Rambaldi, futur créateur du monstrueux Alien, bricolant pour le fauché, Percé l'Invincible, d'Alberto De Martino, se côtoient sur les plateaux surchargés. Malgré tous ces efforts, il y eut un véritable essoufflement du péplum. À partir de 1961-1962, la production des péplums traditionnels baisse, submergée par les culturistes. Elle réserve encore de beaux moments, puisque durant ces années-là, Silvio Amadio et Alberto De Martino donnent leur version respective des légendes de Thésée et Persée. Mario Costa orchestre la bataille de Corinthe, tandis que Sergio Corbucci illustre l'histoire de Romulus et Rémus avec les culturistes Steve Reeves et Gordon Scott. Le maître Pietro Francisci réunit Rossano Brazzi, Tina Louise, Silvia Costina, sacrée star depuis les travaux d'Hercule, et Dino Cervi dans La Charge de Syracuse. Et l'apprenti Sergio Leone co-signe avec Robert Aldrich, Sodome et Gomorre, paré d'une distribution internationale. Stuart Granger, Anouk Aimée, Stanley Baker et Rosanna Podesta. Carlo Campo Galliani traite, quant à lui, de Byzance dans Le Glaive du Conquérant, avec l'extraordinaire Jacques Palance et la belle Eleonora Rossi Drago. Autre beauté illustre du péplum, Dominique Wilms, Rosanna Schiaffino, qu'on peut voir dans le rôle de Vénus dans les films L'Enlèvement des Sabines, Virna Lisi, Pascal Petit, qu'on peut voir dans le rôle de Cléopâtre, de Victor Trojanski et Piero Pirotti, etc. Dans les autres vedettes américaines, il y a Howard Duff dans Foudre sur Babylone, Cameron Mitchell dans Jules César conquérant de la Gaule, Jeanne Crain dans Nefertiti, Reine du Nil, Alan Ladd dans Les Horaces et les Curiaces, et le Britannique Terence Young. Certes, ces stars sont souvent en fin de course, mais le prestige demeure. Ferdinando Baldi, réalisateur adepte du travail en duo, co-signe avec Richard Potier, David et Goliath. Il signe encore, et cette fois, seul, Le Fils de Cléopâtre en 1965. Cet essoufflement a malheureusement entraîné une chute du péplum. Un autre Sémiramis, déesse de l'Orient, avec Yvonne Furneaux, dirigé par l'initiateur Primo Zeglio, ou Les Derniers Jours d'Herculanum, selon Gianfranco Parolini, ne changeront pas la donne. L'hémorragie a dopé les péplums musculeux, mais aussi le western, le policier et le thriller, le fantastique et l'horreur. Les réalisateurs et les interprètes sont souvent les mêmes. Les scénarios ne sont pas les meilleurs, pas les pires. Les budgets sont toujours souvent modestes. Les chefs-d'œuvre jalonnent une production populaire foisonnante. Une chose en entraînant une autre, cet essoufflement a entraîné une chute du péplum et cette chute a entraîné un enterrement du renouveau. Un des grands succès de 1962 est le film Les Titans de Duccio Tessari, péplum atypique salué par la critique et qui sort du circuit traditionnellement dévolu au genre. La distribution est aussi internationale. En effet, nous retrouvons les Italiens Giuliano Gemma et Antonella Lualdi, mais aussi les Français Jacqueline Sassar et le culturiste Serge Nubret, ou encore le Mexicain Pedro Armendariz. Cependant, le ton est nouveau et n'aura pas ou presque pas de suite. Et bien sûr, comme tous les genres de cinéma, le péplum a connu ses parodies. Dès qu'il fut plébiscité, le péplum connut une vague de parodies allant du simple sketch au long métrage. Mario Soldati, avec Ok Néron, tourné dans les décors du Quo Vadis de Mervyn LeRoy en 1951, Steno avec Les Week-ends de Néron en 1956, Luciano Salz avec Les Pilules d'Hercule en 1960, voire Carlo Ludovico Bragaglia avec Les Amours d'Hercule la même année. Le groupe d'humoriste britannique des Monty Python a parodié le péplum dans certains sketchs de leur show télévisé, Monty Python's Flying Circus. Ainsi que dans le film Monty Python, la vie de Brian, qui mêle parodie de la vie du Christ avec celle de films tels que Ben-Hur. Le cinéaste américain Mel Brooks parodie également le péplum dans son film La folle histoire du monde. Il met en scène la ville de Rome en lui prêtant des airs d'une ville contemporaine. On y voit quelques anachronismes volontaires en clin d'œil à la société du XXe siècle, notamment quand Mel Brooks, interprétant Comicus, un philosophe forain au chômage, fait la queue d'un bureau d'administration pour toucher ses indemnités. Enfin, en 1982, le film français 2h moins le quart avant Jésus-Christ de Jean Yanne moque le péplum en exagérant les traits clichés du genre, comme les références bibliques ou la musculature des personnages. Sur ce dernier point, Jean Yanne grossit le caractère viril très présent dans le genre jusqu'à lui prêter une dimension sexuelle dans la scène de l'Homo Discothecus. Le personnage principal, interprété par Coluche, se nomme Ben-Hur Marcel, en référence au personnage du film éponyme de William Wyler, interprété par Charlton Heston. C'est ainsi que se termine cette émission sur la quatrième partie sur le péplum. Dans la cinquième partie, qui sera, je pense, plus courte, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons du péplum musculeux qui s'étale sur la période allant de 1958 à 1964. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous.